temps de ma chanson. Elle coule, coule l'eau sous les ponts du monde. Les hommes naissent et puis d'autres s'en vont. Dans le temps de ma chanson, dans le temps de ma chanson. Quelques étoiles disparaissent dans le ciel. Quelques idées changent la face du monde. Les éphémères vont tomber par millions. Dans le temps de ma chanson, dans le temps de ma chanson. Le temps de chanter. Dans le temps de ma chanson.